Rapport de l'autre côté de l'Atlantique, ambition numérique, est-ce que c'est vraiment ambitieux ce qui est mentionné là-dedans? Sur certains points, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'on parle quand même d'amener des éléments de réforme au temps du droit presque international dans la régularisation qu'on proposerait de faire du web. Essentiellement, on est dans la... Si on permet le québécisme, dans la flopée de rapports, là, on a parlé de la ville de Montréal il y a quelques temps, le gouvernement du Québec la semaine dernière, et là c'est le gouvernement français, donc rapport qui s'appelle Ambition numérique. On a fait une série de consultations du côté gouvernemental français à partir d'octobre 2014 jusqu'à février 2015, 26 consultations autour de 4 thèmes, une consultation sur le web autour de chacun des thèmes également. Donc on dit que globalement il y a eu à peu près 17 678 contributions en ligne, 26 sujets, 5000 participants, 70 ateliers, 4 journées de réflexion, et tout ça pour en arriver à 70 recommandations. Donc on parlait d'ambition tantôt, ben quand même, sur ce point-là aussi, il y en a pas mal. Alors, évidemment, on parle de 70 propositions qui sont beaucoup, bâties... Ça peut être à la fois être beaucoup et pas beaucoup. Ça dépend comment ils sont, les recommandations, mais c'est quand même 70, ça peut être à la fois précis et très large. Là. Exactement, et c'est un peu les deux. Outils. De manière générale, en fait, on a essayé de mettre en place des principes de base qui vont justement orienter l'ensemble aussi des autres orientations. C'est toujours intéressant, évidemment, comme côté structure. Alors, on dit, point 1, le déploiement du numérique doit être mis au service d'une société solidaire. Donc, l'idée, c'est de pas... renforcer les schismes sociaux déjà présents, mais au contraire, de trouver des façons d'utiliser le numérique pour les amenuiser. D'éviter, en fait, d'agir en fonction du renforcement du pouvoir, mais de façon ni décrétée, ni constatée. Donc, il faut que le renforcement du pouvoir se construise à travers le numérique à l'échelle individuelle ou collective. On parle du numérique qui offre l'opportunité d'aller vers une société ouverte, donc des nouveaux modèles d'innovation, des nouveaux modèles de création, etc. Et enfin, on parle aussi que pour préserver l'état de droit et la protection des droits fondamentaux des individus, il est aussi essentiel que les garanties propres aux droits communs puissent s'appliquer dans le monde numérique. Donc, comment faire le transfert entre l'un et l'autre. Donc, quand même des principes assez larges ici. Oh oui, mais en fait, c'est des principes. Non, mais c'est pour ça. Être large. Donc, on introduit, j'imagine, les prochains sujets. Oui, en fait, premier point, c'est donc premier thème, loyauté et liberté dans un espace numérique commun. Alors, essentiellement, on met un point de base, on dit avec cette recommandation-là qu'Internet doit être un bien commun, donc qui bénéficie à l'ensemble de la société, qui constitue un bien commun durable, et donc il faut assurer une neutralité des réseaux, une gouvernance démocratique du numérique, etc., etc. Donc, l'idée étant d'affirmer vraiment le principe de la neutralité du web et d'en préserver l'accessibilité pour la collectivité, évidemment. Alors, on parle à travers ça de reconnaître un droit fondamental à l'autodétermination informationnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, c'est qu'au-delà de la seule protection des données personnelles, il est nécessaire de donner aux individus une réelle maîtrise sur elles afin qu'ils puissent tirer parti de leurs valeurs d'usage. Donc, on parle beaucoup de sécurité, mais maintenant, comment les données peuvent générer quelque chose de plus pour les gens? Donc, comment on peut aller séduire l'usager, d'une certaine façon? Comment on peut... Donc, les rendre accessibles et intéressantes aussi. Oui, exactement, exactement. Parallèlement, on parle de loyauté des plateformes, donc les plateformes numériques qui doivent adopter un comportement loyal. Donc, ici, on parle de manière générale, donc, de soumettre les plateformes à un principe général de loyauté, de fournir la bonne information au bon moment, de pouvoir permettre aux gens de comprendre et connaître les algorithmes qui se trouvent derrière les plateformes, donc dans un contexte de droit à la transparence. Donc, comment le site web que je fréquente fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'il me fournit telle ou telle information, etc., etc.? Donc, de donner la possibilité aux gens d'aller facilement chercher cette information-là et, évidemment, de favoriser à travers ça aussi une coopération entre autorités à travers le web, et ça dans une perspective de réaffirmer la notion d'état de droit. Donc, l'idée qu'une justice formée et outillée pour faire face aux enjeux numériques pourra garantir, disons, la perpétuité de l'équilibre à l'intérieur, justement, des différents médiums et le reste. Un beau défi, par contre, ici, avec le web. Un énorme défi, en fait. Je veux dire, présentement, la législation est un flou absolu, et en même temps, il y a une notion de neutralité. Donc, est-ce qu'on est en train aussi, déjà, dans un grand principe même, de... disons, d'aller, de dire, de voir la fève et le chou, si on peut dire, là, c'est, dans la mesure où, techniquement, si le web est neutre, ben, il y a une notion de légifération qui est plus complexe, qui est un laisser-faire, un laisser-aller, si on peut dire, d'une certaine façon. Une autorégulation. Une autorégulation, mais en même temps, ben, ça reste très problématique, cette autorégulation, parce que ça amène et ça permet des dérives qui sont non souhaitables, des types de contenus qui sont carrément criminels. Mm-hmm. Donc, de quelle manière légiférer ces contenus-là sans contredire à la neutralité du web, ça risque d'être un véritable casse-tête. Donc, ça, c'était la première section. La deuxième, c'est vers une nouvelle conception de l'action publique, ouverture, innovation et participation. Alors, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que le numérique tend à soumettre les pouvoirs à une pression pour plus de transparence. Donc, essentiellement, ça corrobore un peu ce qui est dit ailleurs. C'est l'idée que, puisqu'on a un accès plus direct aux autorités, puisqu'on a une facilité, si on peut dire, à pouvoir faire entendre nos idées, nos opinions, ben nécessairement, faut aussi que ces opinions-là soient écoutées et qu'on puisse peut-être les émettre de manière plus directe aussi aux autorités en place. Alors, ce qu'on dit, c'est que les pouvoirs publics doivent s'ouvrir à de nouvelles manières de concevoir et d'évaluer les politiques publiques. Donc, on dit gouvernement ouvert, oui, ça implique des données, et on en parle beaucoup justement de la notion d'open data, donc données ouvertes, mais qu'un gouvernement ouvert ne doit pas seulement ouvrir son contenu, doit ouvrir aussi sa réflexion, et donc qu'on puisse opiner sur les différentes lois, sur les différentes politiques, qui est vraiment une dynamique de co-élaboration, donc de la chose publique entre les élus, les fonctionnaires et les citoyens également. On parle évidemment de développer des services publics numériques qui sont centrés sur les expériences des usagers, appropriables pour tous, respectueux des droits fondamentaux et le reste. Donc ça, c'est un peu, j'ai l'impression, le cadre de confiance qu'on propose pour un éventuel gouvernement numérique. Donc l'idée de s'assurer que cette transition-là va être, et ça c'est le point 23 justement, où on dit développer la médiation autour des services publics numériques, donc de s'assurer de pas en laisser derrière. Mm-hmm. Et de quelle manière on peut le faire? Ben justement, en s'assurant qu'il y a quand même des services de médiation, qu'il y a des espaces qui peuvent permettre cette transition-là et qui peuvent permettre d'éviter d'en laisser aussi derrière. Évidemment, ensuite, encadrer l'utilisation des échanges de données personnelles, bon, favoriser des espaces numériques personnels, etc. Mais donc, il y a vraiment cette idée que ben essentiellement, le gouvernement ouvert dépasse la notion d'ouverture de données. C'est un changement culturel important, finalement, qui sous-tend tout ça et qui permet, j'imagine aussi, à terme, de faciliter aussi le transfert et le partage des données. Mmh. Mais en fait, c'est un changement de structure pour l'ensemble du gouvernement, là, pour que ça soit vraiment ouvert. C'est ce qu'ils souhaitent. Troisième section? Troisième section, on parle d'économie. Donc, c'est mettre en mouvement la croissance française. Alors, ce qu'on dit essentiellement, c'est que si l'entreprise et si l'innovation d'une région, en l'occurrence la France, n'est pas sur Internet, n'utilise pas bien les outils numériques, ben les défis à venir risquent d'être beaucoup plus difficiles à relever. Alors, pour se transformer, les acteurs traditionnels, dit-on, doivent prendre en compte ce nouvel environnement afin de renouveler les emplois, de renforcer la compétitivité. Alors, ce qu'on dit, et là on parlait d'ambition tout à l'heure, ben c'est que l'Europe doit porter une vision commune de l'innovation. Donc déjà, c'est quand même un bon défi. On dit, regardez, on peut pas exister en tant que région dans une région qui elle-même est dans le monde. Mm-hmm. Faut minimalement avoir une vision continentale de la chose et idéalement une vision mondiale aussi des différentes thématiques, des différents axes. Et d'autant plus que l'économie européenne est maintenant fonctionne main dans la main, ou presque. Au niveau national, il est nécessaire d'adapter les politiques de soutien et de financement, donc les dispositifs. Donc c'est des nouvelles formes d'innovation, c'est un nouveau contexte. Donc les programmes qu'on met en place, le financement qui est offert ne peut pas être évalué en fonction des anciens paradigmes, parce qu'on est dans un monde nouveau. Et donc, il faut renouveler aussi tout ce contexte-là. Évidemment, ça reste nécessaire, et ça, j'ai l'impression que c'est une notion, quel que soit l'état géographique dans lequel on se trouve. Exemple, au Canada, ben, si on parle de musique et de financement musical et de rayonnement musical, ben, on peut pas se limiter à un contexte local, parce que justement, à travers le web, il y a possibilité d'aller rejoindre différentes communautés. Mm-hmm. Et le reste, donc, il y a déjà tout un mode de distribution qui est renouvelé, eh bien, nécessairement, on peut pas penser le financement de ce médium artistique-là à travers les mêmes paramètres qu'on pensait il y a 15 ans ou 20 ans. C'est un non-sens. Faut les penser en fonction des nouveaux paramètres. Donc, c'est essentiellement ce qu'on propose. Et ce qu'on dit en parallèle, c'est que les entreprises traditionnelles doivent impulser une nouvelle dynamique, multiplier les actions d'innovation ouvertes et partagées. Alors, essentiellement, que la nouvelle stratégie industrielle de France doit être basée sur l'innovation ouverte. Donc, l'idée d'innovation ouverte, si j'essaie de simplifier, je rattacherais ça peut-être à un néologisme qui est l'idée de coopétition. Donc, dans la mesure où si on a une innovation fondamentale qui est partagée entre différentes entreprises, il y a un partage des coûts, un partage du risque sur le développement de la dite innovation. Donc, ça permet à un groupe d'entreprises d'être en pole position plus facilement. Et ensuite, ben, tout va dépendre de la façon par laquelle chaque entreprise va développer cette innovation-là, va faire de nouvelles itérations, de nouveaux éléments en lien avec ce produit fondamental-là. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle l'innovation ouverte, innovation participative. Donc, innover différemment, c'est des mouvances internationales. Et encore là, ben, c'est des rapports dans lesquels on est vraiment dans les grands principes, évidemment, autour de ça aussi. Donc, reste à voir, et ça sera la conclusion qui s'en vient tantôt, reste à voir de quelle manière réellement on va réussir à mettre en place ces éléments-là, parce que ça relève quand même d'un changement fondamental. Oui, bien voilà, changement fondamental dans la structure, mais ça demande également un financement, des investissements. Je ne sais pas s'il l'aborde, mais ça fait partie quand même de l'équation. Oui, ça fait partie de l'équation. C'est abordé aussi. Il y a la notion du financement, et le quatrième axe, Michael, c'est la notion de la société numérique. Et l'idée, et c'est important de garder ça en tête aussi, la première ligne de ce résumé-là, on dit « Le numérique n'est pas automatiquement la clé d'une transition vers une société meilleure. » Donc, le fait de mettre du numérique à quelque part, c'est pas nécessairement une bonne idée. Il faut que le numérique vienne bonifier quelque chose. Il faut donc garder les acquis qu'on a et les bonifier, pas les mettre à bas et dire ben faut faire du numérique parce qu'il faut faire du numérique. C'est pas de sens. Donc, ce qu'on dit, c'est que le numérique doit être mis au service du pouvoir d'agir, de l'activation des droits et libertés des individus. Donc, une notion d'empowerment. Donc, à travers les différents axes qu'on a donnés, l'idée, c'est que l'individu puisse agir plus facilement et qu'à travers le renforcement de l'action individuelle, on a un renforcement de l'action collective. Moi, c'est le pari qu'on fait un peu. L'idée de refaire société par les communs aussi. Parce qu'évidemment, si on axe sur l'individualité, avec quoi on fait société, il faut trouver aussi les points communs entre tout le monde. Et cet élément-là, c'est à travers la collaboration. Donc, si on a un groupe d'individus qui travaillent séparément, on fait pas société. Mais si on travaille ensemble sur des objectifs communs, là, Internet peut devenir une richesse quand même particulièrement intéressante et peut donner des assises franchement plus fortes aussi au développement social. À travers ça, on revient à l'idée, le principe de départ qui était donné, l'idée des inégalités. Donc, il faut les réduire. On dit l'accès à Internet doit devenir un droit effectif pour tous à travers le déploiement des infrastructures, l'amélioration de l'accessibilité des sites, mais aussi un travail d'éducation et de médiation autour de la littératie numérique. Ce n'est que sous ces conditions que le numérique peut devenir un vecteur d'ascension sociale. Sinon, ça va être un vecteur de schisme, comme on le disait tout à l'heure. Et enfin, ce qu'on dit, c'est qu'il faut repenser les systèmes collectifs. Donc, à la limite, penser à optimiser, penser à réformer. Mais aussi, lorsqu'on voit qu'il peut y avoir une bonification réelle, il y a aussi l'idée de rupture qui est amenée. Donc, qu'à un moment donné, des fois, il faut casser pour refaire plutôt que d'essayer de faire du neuf avec du vieux. Et de tout retaper finalement, et de tout le temps juste en train de patcher, et que ça marche tout croche. As-tu l'impression que c'est un rapport, parce que là, ça fait plusieurs rapports que tu regardes, tu as l'impression que c'est un rapport qui, je dirais peut-être pas, c'est pas réaliste, c'est le bon mot, mais justement qu'on... C'est faisable, ce qui est marqué dans le rapport. Il y a rien d'impossible là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est toujours une question de volonté politique et de voir dans quelle mesure on va être capable de promouvoir un peu ce changement-là, sachant aussi les coûts qui sont associés à ce type de modification-là. Donc, il n'y a pas vraiment de plan de match ou de stratégie d'implantation. J'imagine que ça viendra plus tard. On parle de lois qui vont être développées aussi par l'État français qui vont venir soutenir ça. Donc, ça va être intéressant de surveiller, j'ai l'impression, de voir de quelle manière le légal, dans un premier temps, va venir encadrer le rapport, va donner un cadre d'obligation peut-être pour l'État, et dans la suite de ça, quelle sera justement la stratégie d'action. Et c'est souvent là qu'on voit justement à quel point l'ambition s'exprime sur le terrain. Donc si on parle d'un gouvernement ouvert et de transparence, mais que tout ce qu'on fait c'est des sondages sur Internet ou une plateforme de pétition en ligne, disons qu'on n'atteint pas nécessairement les objectifs qu'on s'est donnés, même si, techniquement, oui, on fait une démarche, mais cette démarche-là ne va pas nécessairement au bout du potentiel que la plateforme pourrait avoir. Alors, c'est cette distinction-là, j'ai l'impression qu'on va avoir à surveiller aussi au fil des prochaines années, si, évidemment, selon la nature des suites que l'État français va donner à ces suggestions-là qui viennent du Conseil national du numérique. Je serais curieux de voir éventuellement ce qui va se passer avec l'Allemagne, l'Angleterre, parce qu'ils le mentionnent dans le rapport, à un moment donné, l'Europe elle-même est une économie qui fonctionne ensemble, donc il faut que les autres s'arriment aussi. Il faut que les autres s'arriment, puis tu parlais de l'Angleterre, ben l'Angleterre sont rendus beaucoup plus loin que bien des États en Europe aussi. Donc déjà, je pense qu'on parlait de fracture numérique ou de schisme, mais il y en a déjà un en Europe. On parle beaucoup de problèmes budgétaires économiques ces temps-ci, mais reste qu'au niveau aussi de l'avancement numérique, tous les États ne sont pas égaux non plus sur ce continent. Bien, on va surveiller ça, j'imagine, dans les prochaines chroniques. Raymond Poirier, merci. Ça fait plaisir.